Tu tries tes ordures, tu es contre les inégalités, tu veux sauver les pandas, tu es contre la mort, tu es pour la vie, tu vas creuser des puits dans le désert, tu es contre la guerre, tu crois en l'amour, tu veux construire l'avenir. Tu m'écœures. Tu m'énerves. Tu respectes les croyances des autres. Tu veux faire tes choses.